sous la terre, deux êtres errent, une momie qui conduit à un cataclysme haut dans le ciel, hors des donjons. Link trouvera les larmes du dragon. Les armes sont pourries, faut faire du crafting. Y'a plein de nouveaux monstres plus flippants que dans le précédent. Haut dans le ciel, hors des donjons. Link trouvera les larmes du dragon. Tears of the Kingdom, la grande aventure. Dans une terre connue, de nouvelles créatures. Des monstres qui détonnent aux ordres de Ganon. Guerre contre le mal pour trouver Zelda. Tears of the Kingdom, une map sur 3 niveaux. Des fragments de sonium et 5 sages sur le dos. Y'a du miasme partout, même dans les souterrains. Mais bien plus que tout, c'est une histoire sans fin. Le roi Roru l'a eu dans le cul. Il ne put plus qu'espérer un meilleur futur. Ils finiront par triompher. Link retrouvera les larmes du dragon. Tears of the Kingdom, la grande aventure. Dans une terre connue, de nouvelles créatures. Des monstres qui détonnent aux ordres du canon. Guerre contre le mal pour trouver Zelda. Tears of the Kingdom, une map sur 3 niveaux. Des fragments de sonium et 5 sages sur le dos. Y'a du miasme partout, même dans les souterrains. Mais bien plus que tout, c'est vraiment sans fin. Tears of the Kingdom, une map sur 3 niveaux. Des fragments de sonium et 5 sages sur le dos. Y'a du miasme partout, même dans les souterrains. Mais bien plus que tout, c'est une histoire sans fin.